fumeurs. Hein? Hein? Dis-moi qui sont les vrais. Hein? Yo. Hein? Hein? Dis-moi qui sont les vrais. Sur le terrain, je vois que des fakes. Ça pense qu'à tirer profit, ils veulent rien donner, mais tout take. Trop de petites folles qui jouent les thugs. On n'est pas compatible, salope, tu n'as pas le bon plug. On s'est fait seul, demande à face. J'envoie des freestyles de street, à chaque bastos, on met des ace. Si on t'écoute, tout le monde est le sang. Non, ne fais pas l'innocent, tu paieras le sang par le sang. Quand je freestyle, ils sont tous en pressérage. Les petits veulent du flou, ça parle en night, en repérage. Nique tous ces morts, s'ils respectent pas tes règles. Écoute, salope, tu vas saigner même si t'as pas tes règles. Du mal à pardonner, trop rancunier. Je veux plus t'aimer par le passé, tu m'as trop répugné. Tu veux de la rime violente, faut te cramponner. A force de sniffer la blanche, les MC ont des cramponnés. De rap, ça suce, ils sont pleins de ce vide. Les MC sont comme mes chaussettes, ouais, ils m'arrivent à la cheville. Souvent ça rappe, mais ça rime pas terrible. Hein, on n'est pas comparable, tu parles trop, je trouve ça pénible. Trop de boycotteurs comme Ardisson, je manie la rime depuis 10 ans. Pourtant, disons que j'ai l'art du son. Index, si tu parles trop, ça te soulève. Je cristalle comme mes 4-50, à chaque mesure, la roue se lève. Trop de pistonneuses à la recherche d'un gars friqué. La jeunesse n'y connaît rien, préfère le zeta trafiquer. On fait des rimes faciles, pas rien de compliqué. Je resterai toujours le même fidèle à ma team compliquée. Fini les têtes à tête, où tout se règle à coup de balle. De nos jours, elles font les vierges, mais tout passe par le trou de balle. Il faut pas négliger, avec des rouges, on fait des verts. Parfois, on fait des rêves, qu'on fait des ronds, qu'on fait des rares. Je cherche la perle rare, mais c'est pas un conte de fées. La vie, c'est dur, poteau, mais tout se paye, tout compte fait. Y'a plus de bagarres de nos jours, ça règle les comptes offerts. Ce qui compte, c'est ce que t'as fait, parce que tu comptais faire. On veut se refaire en Andalousie à la baignée d'air. Elle fait leur filière, mais le samedi soir, c'est belvédère. Elle aime faire parler d'elle, y'est soigné, ça répute. Fait tomber l'offre malgré son comportement, t'es à l'épute. Même quand on a ce qu'on veut, on n'est jamais satisfait. Je calcule pas trop la concurrence, on j'écoute pas qui se fait. Le game, c'est un milieu de bâtard, tout fonctionne au piston. Le vrai rap ne paye pas, ça préfère le rap de fiston. Y'a pas de recette, tous les moyens sont bons pour faire du beurre. De nos jours, les rappeurs ont moins de buzz que les youtubeurs. Tu crois toujours tout savoir que tu parles une test cible. On baisse jamais les bras, mental de mon test cible. Grosse dédicace à la place du bon. De nos jours, les clients préfèrent le com à la place du bon. À la fuite du contrôle, de loin j'ai senti le flic. J'ai même pas le brevet, rien à foutre de ton bac scientifique. J'aime bien faire de la route avec un gros moteur. Pour percer dans le game, il faut un promoteur. Pas de confiance, beaucoup de carotteurs. Si les jaloux parlent, c'est qu'ils aimeraient bien être à ta hauteur. C'est pétard, vodka, fraise, demande à Shan. Laisse-les, c'est Shalohan, ça parle mais c'est des gros tahan. Tout marche par intérêt, trop de suceurs de queue. Ça te boycotte et qu'ils se rendent compte que tu vas faire mieux qu'eux. Réveille-toi, grossesse de pleurnicher. La prod est sale, si je la pénètre, ça avec une gode nichée. En bas de chez moi, les petits rêves, répéter péter le guichet. Toujours les mêmes clichés, équipe de rebeux fichés.